J'en ai usé du sentiment, j'en ai usé du boniment, sans que jamais je ne me lasse. J'ai respiré tous les parfums, tous les échos jeunes ou défunts, sur ton pavé, vieux Montparnasse. J'ai promené de l'argent long, les rêves d'un vieux vagabond, qui traîne sa vieille carcasse. De la coupole au vieux clocher, et du départ à l'arrivée, sur ton pavé, vieux Montparnasse. Les trains ne partent jamais vers tous les pays où je vais lorsque le rêve enfin m'embrasse. Mais dans ma tête en tourmentée, c'est une ronde endiablée de 1000 trains du Montparnasse. J'ai jamais eu le malheur d'aimer, ni le bonheur de se quitter. Il y a des choses qui prennent trop de place. Mais j'ai aimé un coin de rue qui s'enfonçait dans la cohue de ton pavé, vieux Montparnasse. J'ai soulevé un de tes pavés pour voir si en dessous je trouverais un myosotis, une rose fugace. Mais je n'ai trouvé qu'un souvenir qui se cachait là pour mourir sous ton pavé, vieux Montparnasse. Des fleurs je sais où en trouver, des roses, des œillets par milliers, où ce qu'on nous met quand on trépasse. Il me suffira de me balader, de temps en temps de me baisser sur ton pavé, vieux Montparnasse. Moi j'ai pas eu droit au bouquet, pas de belle fille à l'arrivée, pourtant j'étais le plus cocasse. Mais on m'a dit d'un ton gentil, tu te cognes trop dur contre la vie sur les pavés du Montparnasse. Des fleurs t'en fais pas, t'en auras, t'en as vu moins que t'en verras, là où bientôt sera ta place. Tu n'auras plus jamais de soucis, tu ne verras plus le ciel gris sur les pavés du Montparnasse. Ah mille dieux, je pourrais jamais trouver le bonheur à respirer dans les jardins de ce palace. Que le paradis soit foudroyé s'il ne peut pas me ramener dans le quartier du Montparnasse.